Audiomatique. Amorcer la transmission 5-6-2 de Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter le duo américain Sylvan Esso, de la version 10e anniversaire de son premier album homonyme qui a été originalement lancé en 2014. Nous écoutions la chanson HSKT, remixée ici par Dintel. Et maintenant, c'est au tour du groupe anglais Pale Blue Eyes d'assurer la continuité audiomatique. nous avions droit à Audiomatic à la formation suédoise O Hiroshima. De son premier album Resistance is Futile, sorti en 2012, nous entendions la chanson The Fog of War. Et pour débuter ce bloc musical, nous avions droit au groupe anglais Pale Blue Eyes. De son troisième album, New Place, paru le 7 mars 2025, nous avons diffusé la pièce Half Light. Audiomatic se poursuit à l'instant avec l'artiste Sophia Portanet. Wir werden in den letzten vielleicht Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre le groupe allemand Kerala Dust de son mini-album Francesca's Frames, lancé en 2018. Il nous présentait la pièce Nyla. Précédemment à Kerala Dust, nous vous avons offert la musique de l'artiste hispano-allemande Sophia Portanet de son premier album studio paru en 2020 et intitulé Freier Geist. Nous avons entendu la chanson Ring. Le prochain segment musical à Audiomatic débutera avec la formation américaine Car Seat Headrest. Time was an ocean, there'd always be a little more somehow, and I could be the lady or I could be the carpenter, but I don't think that now. Fire with one voice screaming. Why couldn't Ziggy come back down again? Lost on the shores of planet desperation. Oh, to the shoreline, where blue plutonic winds whip the air. Hoping and waiting to cry upon the shoulder of someone who's not there. you believe me if I said I walked the stars? Drew constellations overhead and drank the hidden springs of Mars. But the empire never ended, and my Gnostic soul cries out in question, when will I be born? Get back feathers black, brown, dragging through the mud to the crack in the fence where the last wave of night comes. Devil angel on my left, right, I'm waiting for the Chanticleer, Chanticleer, Chanticleer, Chanticleer, Chanticleer, Chanticleer. Audiomatique, nous venons tout juste d'entendre la formation américaine Car Seat Headrest de son 13e album The Scholars, sorti le 2 mai 2025. Nous vous présentions la pièce Planet Desperation. En conclusion de cette transmission 5-6-2 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le groupe américain Model Actress. De son deuxième album Pirouette, lancé le 2 mai 2025, nous entendrons la chanson Departures. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Model Actress avec la pièce Departures. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Embodied well. Anywho.